Je me sens comme au Club Med. Club Med, tu manges beaucoup de chips. Beaucoup de chips avec des ananas. Après. Ouais. Mais oui, c'est acide, ça va brûler le gras. Allez, j'en prendrai un, parce qu'on a un peu d'ananas. Bon, en fait, tu peux pas... On dit chips, hein? C'est tes frères. On a toujours apporté de la même, on le regrette tout le temps après. Ah oui, c'est sûr. Prends-en, hein. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Comme à peu près partout au pays, le temps semble suspendu dans cette petite rue discrète de Montréal. Noël est passé, le jour de l'an approche et la neige tombe doucement. Le joyeux feu de bois réchauffe le salon. À l'aube de cette nouvelle année, Marc et Anne sont curieux de savoir ce que 2018 leur réserve. C'est pourquoi ils ont invité Guillaume Mansour. Tu fais du tarot? T'es tarologue? Oui. Comment ça a commencé, cette affaire-là? Ça commence par une blague. C'était un party chez des amis. J'ai pris un paquet de 52 cartes, vraiment basic. Puis, en niaisant, j'ai tiré mon ami aux cartes. Puis là, à la fin, tout ça était comme... Sans savoir ce que tu faisais, je là. Aucune quoi. Base, t'avais jamais lu là-dessus. Moi, je voyais un 3 de cœur, puis je me disais, ah, t'as l'affaire. Ah, là, disait, tu vas faire un threesome ce soir, mettons. Exactement. C'était aussi léger que ça. Je badinais vraiment. Ah, oui. C'est ça. Je veux pas avoir de mauvaises nouvelles, je t'avertis tout de suite. Je suis pas capable de donner des mauvaises nouvelles quand je suis au tarot. Mais tu les vois. Tu les vois, mais tu les dis pas. Je peux les entrevoir. Si vous me voyez hésiter un petit peu trop longtemps. Oh, mais tu vois ça. Non, c'est ça. C'est ça qui me tue. C'est pour ça que j'y vais pas. Parce que j'ai vraiment, là, tu sais, c'est parce que si je sens que la personne hésite, je vais interpréter ça. Ça me fait faire des cauchemars pendant 15 ans. Mais c'est comme si on me disait la date de ma mort tout de suite. Il y a ceux qui disent, si on te dit date de ta mort, tu vas profiter de la vie deux fois plus. Mm. Puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Moi, je fais partie du... Je veux pas le savoir. Je veux évidemment pas le savoir. Moi, je me tire une balle dans la tête avant de mourir, là, c'est sûr. Ouais. Là, j'aime mieux... Il y a ça. C'est une option, mais... Non, mais j'aime mieux le décider moi-même que de me faire imposer... On me dit, dans 6 mois, tu meurs. Je fais, non, ça m'arrivera pas. Je préfère me tuer tout de suite. Comprends-tu ma logique? Parce que plus j'attends, plus je vais être angoissée. Je vais passer 6 mois à angoisser. C'est ça, oui, c'est ça que je dis, en fait. On dit la même chose. Oui, on dit la même chose. Mais ça, c'est tellement scorpion de faire ça. Ouais. Moi, je suis scorpion. Écoute, ça, c'est tellement scorpion. Tu savais que j'étais scorpion? Lui aussi est scorpion. On est tous les deux des scorpions. On pense à la même chose. Ah, tu savais. C'est-à-dire que si on nous annonçait demain, hein? Vous allez mourir dans 6 mois, on choisit chacun un arbre, probablement dans NDG, pour faire référence à ce qui s'est passé il y a 6 mois. Là. Oui, tout l'Iori était bloqué dans mon quartier. Hey, pendant 4 mois, quatre mois de temps, pas d'électricité, Anne. Elle a eu de l'électricité le 8 décembre à 6 heures pour les nouvelles. Ça, tout ce temps-là, écoute, il y a des gens... Il y a des zombies qui marchaient sur Marcille, Harvard. Il y avait des gens en sur tunique. Hampton, sur Kingston, perdaient des liquides. Ils marchaient comme dans Walking Dead. Là. La dernière maison sur la gauche. C'était chez nous. Exactement. Oui, c'est un film d'horreur. L'église en face du parc Giroir, envahie. Hantée. La cour des miracles. Oui. La lèpre. On a fait une longue parenthèse juste pour te dire à quel point la vie n'est pas facile. Mais c'est pas facile. Non, c'est ça. Est-ce que... Donc, tu peux nous tirer... Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu nous tires en même temps ou tu nous tires après l'autre? Une personne. Tu peux pas tirer après. Et le fait que tu saches qu'on est deux scorpions, est-ce que ça peut influencer ta façon d'interpréter les cartes que tu vas tirer? Ça change la façon dont je parle aux gens. Ah. Comme par exemple, les taureaux aiment vraiment ça, la sécurité, la stabilité. Fait que quand je tire un taureau, tu sais, puis que je vois qu'il y a des cartes qui ont rapport avec la stabilité, je suis comme. Ça va vraiment stable, ça va bien aller. Okay. Scorpion, vous avez un côté plus wild, vous aimez l'aventure. Fait que... L'aventure, oui. On n'aime pas trop entendre parler de la mort. Ben, non, à part la mort, tu vois, à part la mort et la maladie, moi, il n'y a pas... C'est bien sûr, c'est tout ce qui nous intéresse, mais ça va venir, la mort, Marc. Ben oui, c'est sûr. Elle est à nos portes. Ben oui, je sais. Je la vois, la grande lumière, moi. Ah ouais. Plein de monde d'autre côté qui m'appelle avec leur bris. Moi, ils ne m'appellent pas. Il n'y a personne qui m'appelle. Ben, je ne les entends pas, là, mais ils ont des grands tuniques. Moi, je ne les entends pas, je ne les vois pas non plus. Non? Non, j'ai peur de ne pas les retrouver. C'est chacun pour soi. Ah non, ils vont venir te chercher. Dans ton petit trou, dans ta tombe, puis dans ton urne, puis ils rentrent chez vous. Ça comme ça. Faire ça. Tu vas faire ça. Donc, toi, attends, pour en revenir à ton métier de tarologiste, là, quand tu sais que tu vas tirer quelqu'un, il faut absolument que tu lui demandes c'est quoi son signe astrologique. Non, ce n'est pas nécessaire. Ça aide, mais c'est pas nécessaire. Ah, ça aide. OK. Ouais. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Ouais. Premièrement, tu vas brasser le paquet de cartes. Ah, oui, hein? Y a-t-il une méthode particulière? Tu brasses comme tu veux. D'ailleurs, moi, je commence déjà à lire avec ta façon de brasser les cartes. Mais ouais, je vais un petit peu te juger, mais... J'interviens. Parce que tu veux. Juger? Tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien faire ça comme c'est ça. Bon. Parce que ça fait du bruit. Le paquet est épais, les cartes sont bien raides. Regarde, je suis bonne. Ouais, je mais t'as le pouce si... fort, hein? Oui, exact. J'ai des gros pouces. J'ai des gros pouces de jardinière. Donc, Anne, qu'est-ce que tu perçois de mon bras? Tu es forte des pouces. T'es capable de mélanger les cartes avec tes deux pouces. Oui. Moi, je suis même pas capable de faire ça. Ah bon? C'est j'ai des gros pouces de matrone, c'est ça? T'as des pouces forts, ça veut dire qu'une personne déterminée. Ah, c'est pas ça que je voulais entendre du tout. Ah, mais ça fait toi une personne qui est déterminée. Tu me dis que j'avais des pouces gracieux. Mais ils sont aussi gracieux parce qu'il faut de la précision, il faut de la finesse. Ce que ça veut dire, c'est que tu as un bon contrôle sur ta vie. Tu gères bien ta vie. Eh bien. C'est ce que ça fait. Mais ça fait des années que je te dis ça. Ah, oui. Mais là, embrassant. Ah, mais je te jure. En brassant les cartes, fallait que tu penses un peu à 2018. Est-ce que tu as pensé à 2018? Ah, j'ai pensé à rien. C'est correct. J'ai pensé à bien brasser. Ça va être correct. Moi, je pensais à 2018 pour toi. Okay. Maintenant, tu vas faire 4 paquets. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Ça, c'est le triangle de ton futur. Alors là, j'ai placé les cartes en triangle. Le triangle de mon futur? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le paquet du milieu. Oui. Le gros. Le gros. Oui. Ça, c'est toi dans le moment présent. C'est toi le 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui te représente? Je suis grosse. On tourne le paquet. Qu'est-ce que c'est? Le pendu. Le pendu. Ça, c'est une carte épouvantable, le pendu. C'est la mort, ça. C'est la mort, le pendu. Je me souviens, c'était très, très négatif, le pendu. C'est ça que j'ai pogné. Non, mais je pense que quand la tête est en bas, c'est correct. Écoute, moi, j'adore le pendu. Oui, c'est une carte que j'adore. Pour moi, la pire carte, c'est la maison Dieu. Je souhaite pas la maison Dieu. Ah oui, la maison Dieu aussi, c'est vrai. Mais moi, ça me parle beaucoup, le pendu, parce que c'est la carte du laisser-aller. Puis après plusieurs mois sans électricité, je pense que tu as atteint une sorte de sagesse, une sorte de... Tu laisses les choses aller, tu acceptes ton sort, puis je pense que c'est ça. Ça fait des années que je te dis ça. C'est vrai. Hey, c'est t'es slack. Hey, je vois le couloir de la mort. Est-ce que tu es prête à aller dans le futur? Oh! Parce que là, ça se passe avec ce paquet-là. OK, ça se passe avec ce paquet-là. C'est le 2018, mais à court terme. Là, on est dans les premiers mois, janvier, février. Qu'est-ce que c'est? La roue de fortune. La roue de fortune. Oh, ça veut dire quoi? Surprise. Ah, surprise. Ça peut être une surprise de marde comme une surprise de joie. Ça dépend ce que tu en fais. La leçon de la roue de fortune, c'est... Il va t'arriver des choses dans la vie, ça peut être vraiment bouleversant, mais c'est toi qui décides si t'en fais quelque chose de positif ou négatif. Je suis sûr que ça va être négatif. Je suis pas jovialiste, moi. J'ai jamais été jovialiste. Non, je suis négative. Non, mais pas tant que ça. J'essaie d'être positive, mais ça n'a jamais marché. Je te connais, puis t'es plus positive que tu penses. Ah oui? Puis c'est un renouveau. C'est peut-être un contrat que t'avais mis de côté. C'est peut-être quelque chose que t'as déjà fait avant. Puis tu vas revenir à ça. Est-ce que t'as un casse-tête, 1000 pièces de pas terminé chez toi, par exemple? Non. OK. Non. T'as répété ça? Chez moi. C'est impossible d'imaginer Anne avec un casse-tête de 1000 pièces pas fini chez pas fini. Eux. Ah non, c'est ça, je le finis. Je le finis ou je le jette aux poubelles? C'est impossible. Non, c'est impossible. Anne devant un casse-tête de 1000 Non, il faut pas que ça prenne trop de temps, mais j'ai pas de temps à perdre avec les casse-têtes. Non. Ça bouge. Hey, c'est des belles cartes. Marc, avec plaisir. Mais moi ça va être moins intéressant qu'Anne. Ça va être des affaires plus... Moi, je pense que ça va être pas mal plus positif. Ben, il faut que je les brasse un peu. Il va y avoir du soleil, des paliers, des fleurs. J'enlève les énergies d'avant. Oui, de la personne d'avant. Un petit peu. Ah ouais, c'est bon, ça. Marc, tu vas penser à 2018. Oui, faudrait que j'y pense là. Tu y vas. Alors, je retourne toutes? Ouais. Ah oui, OK, c'est ça. Ah, t'es comme un enfant. Le soleil, as-tu vu la belle carte? Oui, mais des fois... Regarde, les deux petits bonhommes qui ont l'air heureux, ils se frottent la main. Oui, mais des fois, c'est pas bon, le soleil. Ah. Hey, ouais. Fait que là, donc, oui. C'est une très belle carte. Mais il y a quand même un côté un peu négatif. Mais moi, je trouve que c'est une carte principalement positive. T'es comme un enfant, t'es dans un cadre où tu te sens comme prêt à t'émanciper, prêt à t'épanouir. Les choses vont bien pour toi, mais le petit côté d'ombre, c'est qu'il y a un petit muret en arrière. Ouais. Donc, t'es protégé. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une petite négation du réel, tu sais. Ah ouais. Est-ce qu'on peut tirer, nous? Oh mon Dieu. Mais moi, je dis rien. Comme vous regardez la carte, c'est vous qui dites. On tire à deux. OK. Je pense juste pour qu'on regarde. Je pense à 2018. Ouais, tu penses à 2018. OK. Allez, on y va très, très... Nous autres, c'est première impression. Ouais. OK, 3 paquets, 4 paquets. Bon, 4 paquets. Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur le brassage? Moi, dans sa façon de brasser les cartes, c'était comme pas un brassage souple. Non. C'est comme un petit brassage méthodique. Tu te fais, bon, là, moi, je vais séparer mon paquet en deux. Après ça, je vais le séparer en deux. Ça va faire ça, mais je contrôle un petit peu. T'es quelqu'un de contrôle, hein? Mais... T'es-tu quelqu'un de contrôle, hein? Mon Dieu, tu m'as fait une face. T'es pas contrôlant, mais t'as contrôlé ta carte. Je voulais avoir l'air au-dessus de mes affaires, mais je suis pas au-dessus de mes affaires. C'est ça. C'est exactement c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui paraissait beaucoup de la façon que tu brassais. Puis je sais pas si tu t'es vu brasser, mais tu prenais une partie d'en avant, tu la mettais en arrière, tu la reprenais d'en arrière, puis tu la remettais en avant. Ah oui, c'est un aller-retour. Ah oui. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours perpétuels. Ah oui. Parce qu'il n'arrive pas vie. À... Ouais, il aimerait ça contrôler, mais il n'est pas capable. Il veut avancer, mais il veut rester sur place parce qu'il est heureux. Tu es quelqu'un d'heureux. Je tourne. Tu tournes le paquet du milieu. Comment je suis? Ça, c'est le diable avec des seins. Bon. C'est important. Je pense que c'est clair. Hein? Bon, c'est très, très négatif, ça, cette carte-là. Mais elle a des seins. Donc, elle a quelque chose de féminin, donc peut-être d'un petit peu plus ouvert d'esprit. Elle est sous party. Elle est sous party. Puis l'autre, il y a deux bonhommes qui ont une corde autour du cou pour la faire passer pour une méchante, mais ce n'est pas vrai. Non, parce qu'elle sourit. Ce n'est pas vrai. Regarde. Elle sourit, elle contente, puis elle montre ses gros totons. Ouais. Puis les autres, ils sont contents, ils regardent le toton par en dessous, puis ils sont contents de voir ça. Ils sont contents de voir ça. Fait qu'elle leur donne un cadeau. Exactement. Et toi, pour toi, les femmes sont des cadeaux de la vie. Ouais. Ça, tu m'as lu. Là, c'est vraiment... Là, on te voit à travers, là. T'es comme une fenêtre, là. Je vois tous les cantons de l'Est derrière. Veux-tu tourner l'autre... Ça, c'est un résumé de ce qui t'attend, là. Ça, c'est la même carte que j'ai eue tantôt. Non. Le chiffre 3, hyper intéressant, qui a été présent toute ta vie. Oui. Tu circules l'énergie, tu t'avances, tu recules. Tu essaies une autre affaire, parce que c'est 3, hein? Mais en même temps, il y a un pattern, il y a quelque chose qui... Il y a besoin d'être sécurisé, comme la famille, là. Quelque chose de l'amitié, la campagne, vraiment les steppes, vraiment l'humus, au pied des arbres, les champignons, tout ça. Ça, c'est tout toi. Et il y a aussi que cette épée, tu vois, la poignée de l'épée est vers toi. Donc, tu es prêt à affronter tous les dangers. Ça, c'est vrai. Tu es quelqu'un de très, très droit. Mmh. Et l'épée se retournera jamais contre toi. Tu n'es pas quelqu'un de suicidaire, toi. Non, non. Mais si on te le proposait, de très, là, très non, tu dirais non à ça. Tu retournerais l'épée vers la personne qui veut te pousser au suicide. Ouais. Puis toi, tu ne mourras pas la mort. Non, tu ne mourras pas. Ah oui, il parle à la mort, hein, c'est ça que tu dis. Il parle à la mort. Ah oui, je le vois, parce qu'il tient son épée vers l'extérieur, vers la mort. Vous êtes magnifique. Vous êtes vraiment inspirant. Ben, ta vie va bien. Ta vie va bien. T'es comme un demi-dieu. T'es un demi-dieu. Et tu risques d'être canonisé. Oui. Ah. Après Mère Teresa, ce sera toi. Ça sera exactement toi. Ben, je voulais devenir prêtre quand j'étais jeune. Ben, je sais. Tu vois, tout est dans tout. Tout est dans tout. Guillaume sort à peine de la maison que déjà Joseph, le voisin d'en haut, arrive par la porte arrière. Avec ses amis musiciens, il rejoint Anne et Marc au salon. Hey, bonne année, tout le monde. Bonne année! Ah, ouais. C'est vraiment pas nice. 1, 2, comme à l'oratoire. 3... C'était soir de danse dans notre quartier. Il n'avait pas de chance et je l'ai invité. Oui, il m'a regardé et j'ai redemandé. Dans ses bras, j'ai dansé la samba. C'est la photo bossa nova, si un nouvel amour. C'est la photo bossa nova, le rythme du jour. Ça n'avait débuté que par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. C'est la photo bossa nova. Ne l'oublie pas. Était-ce la lune ou la bonne fortune? Peut-être c'est Bora. Ne l'oublie pas. Comment? Oh, c'est mon goût préféré. Et l'on s'est connu, et l'on s'est revu, et l'on s'est promis pour toute la vie. Oui, on se mariera. Un samedi de printemps, et l'on aura un jour plusieurs enfants. C'est la photo bossa nova, si un nouvel amour. C'est la photo bossa nova, le rythme du jour. Ça n'avait débuté que par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. C'est la photo bossa nova. Ne l'oublie pas. Était-ce la lune ou la bonne fortune? Peut-être ses bras. Ne l'oublie pas. Sur la précieuse table rapportée de l'inénarrable voyage à Marrakech, une bouteille de vin blanc, un énorme bol de chips, une trempette crémeuse et un plateau de fruits frais. Anne s'emmaillote dans une couverture de laine, tandis que Marc feuillette un magazine. Ananas chip, là, c'est pas... C'est le fun, c'est hein? pas winner, non. Non, j'aime pas ça. Je vais prendre une chip pour masquer le goût. Connais-tu les prix Darwin? Les prix Darwin... C'est des prix qu'ils donnent à chaque année. C'est un comité des prix humoristiques pour célébrer la bêtise humaine. En fait, ils récompensent des gens. Oui, oui, oui, oui. Ils récompensent des gens qui ont fait des actes stupides pendant l'année. Oh, c'est un petit recueil de. Oui, de j'en ai. Il y en a quelques-unes que je faisais. C'est trop drôle. Mais évidemment, il n'y a aucune valeur monétaire ou il n'y a pas de prix relié à ce prix-là. Non, c'est juste la gloire. Et l'acquisition d'une mauvaise réputation, évidemment, pour la famille. Oui, et il y a quelques gagnants ici, comme... des champions du monde. Oui, des champions du monde, des vrais prix, de vraies histoires. De vrais imbéciles. Oui, comme en Argentine, en 2017, ouais, en avril. Mon Dieu, c'est pas... Ça fait pas longtemps. Année, ça. Un homme qui portait une arme illégale à la ceinture a tiré par accident, perdant ses testicules au passage. Un juge argentin a déclaré qu'il s'agissait d'une punition divine puisqu'il était interdit de transporter cette arme. L'homme a perdu ses couilles, son emploi et sa liberté. Il a été emprisonné. Ben voyons. Ben oui, parce qu'il n'avait pas le droit de porter l'arme. Ben oui, mais il s'est tiré des couilles, là. Oui, il a assez payé. Alors, c'est ça. Les autorités ont finalement décidé de ne pas l'envoyer en prison car il aurait déjà été assez puni par l'au-delà. Ben oui. Ben oui, c'est ça aussi. Ben, tu parles d'un imbécile. Mexique, dans la province de Chihuahua, deux jeunes femmes de 17 ans sont debout sur un camion stationné sur une piste d'atterrissage d'un aéroport situé à côté d'un hippodrome. Attends, là, il y a beaucoup de... Il y a deux jeunes femmes de 17 ans qui sont debout sur un camion stationné sur une piste d'atterrissage d'un aéroport situé à côté... Pour prendre un selfie. Mais ils sont bien niaiseux. Alors, les deux femmes âgées... Il y a un avion qui leur arrache la tête. 17 et 18 ans souhaitent prendre un selfie... Ils ont malheureusement pas entendu l'avion lors de l'atterrissage. Le bruit des courses de chevaux était trop fort et l'aide de l'avion a accroché les deux jeunes femmes et leurs têtes sont mortes sur le coup. Ça, c'était au Mexique. Tu t'en souviens-tu, les deux filles? Mais toutes ces histoires-là... Qui étaient qui sortaient d'un toit ouvrant, paf! Oui, exactement. Colonne en pleine face. C'est toutes des histoires vraies. C'est toutes des vraies morts, ça, les débuts de Six Feet Under. Oui, répertoriés et tout ça. C'est merveilleux. T'en as-tu donc? Au Brésil, en 2008, un prêtre catholique habitué de parachutisme... se met au défi pour une œuvre de charité. Il accepte d'être attaché à une chaise. Guillaume le Métis Vierge. Oui, exactement, comme Guillaume. Il accepte d'être attaché à une chaise, elle-même accrochée à 1000 ballons à l'hélium, afin de se laisser tomber en parachute. Le seul hic, il ne sait pas utiliser le GPS. Alors, à 6000 mètres, il fait un appel pour comprendre comment utiliser son GPS. Puis on n'arrive pas à l'aider. Alors, la garde côtière brésilienne poursuit ses recherches pendant 6 jours pour le retrouver avant d'abandonner. 2 mois plus tard, le corps du prêtre est retrouvé sur une plateforme pétrolière à 100 km du littoral brésilien. C'est terrible. C'est épouvantable. Mais tout ça, c'est de la bêtise. Une petite dernière. Oh, oui, donc. Aux États-Unis, en 2002, au Wisconsin, une femme et son mari aiment les jeux érotiques qui impliquent un fusil. Oh non, pas un coup de fusil dans le troufillon. Oh non. L'homme aimait quand sa femme plaçait le canon d'une arme à feu sur son scrotum. Oh non, voyons. Tu sais le petit clic que ça fait là, quand il est juste rentré un petit peu. Hanté par l'arrivée d'amis de la femme, le mari lui a demandé de tirer alors que le fusil était chargé. Pardon? Oui, il avait oublié de le décharger. Puis là, il a entendu des amis arriver. OK, il savait pas. Je pensais que tu disais alors qu'il était chargé. Tire pendant qu'il est chargé. Non. Mais il est vraiment débile. Non. C'est que... Ah oui, il pensait qu'il était pas chargé. Dans le jeu, elle faisait clic-clic-clic, comme quand tu joues à Gumby. Puis... Puis il était chargé. Il avait une dalle. Il était chargé. Mais il est pas mort. Eh, mon Dieu, qu'il devait avoir la chenolle en chou-fleur. Oui, bien, il peut plus se reproduire. Bien, c'est bien sûr. Alors, ça a explosé comme un pétard. Imagine. Exactement. Tu sais, les chou-fleurs de couleur? Oh, je sais. Les flûtes, là, avec des petits serpentins au bout, là. Mais moi, je pensais plus à le... Moi, j'ai tu peux les acheter congelés, les petits chou-fleurs mauves avec, mélangés avec du blanc, là. C'est ça que je vois. C'est un genre de Macédoine. Toi, tu vois des choses une fois que ça a explosé. Moi, je le vois pendant que ça explose. Moi, je vois des flamèches. Ah, toi, tu vois le feu d'artifice. De sang puis de morceaux de chenolle. OK. Moi, je vois, là, quand la fumée se dissipe, là. Ah oui, des petits morceaux de... La fumée de la poudre, là. Là, tu vois... le chou-fleur mauve avec dans le rayon des surgelés. Un petit scrotum coupé en petits morceaux. Ah ouais, tu mets ça tout de suite avec... avec un petit peu d'oignon. Puis vinaigre de riz tranquille, là, tu sais, vraiment. Un petit gingembre. Un petit gingembre râpé finement, une grosse gouille d'ail éléphantesque. Oui, une grosse gouille. Une grosse couille d'ail. Oui, une grosse couille d'ail éléphantesque. Que tu feras. C'est le temps. Ah, oui. Mm-hmm. Bon petit, tu mets ça au frigo 2 heures, puis tu peux laisser tremper le. Tu peux faire un smoothie, tant qu'à faire. Ah, tu peux le après pas ça. Pas mal déjà en pur. Ouais. Mais c'est le fun quand tu le mélanges avec de l'orge mondée. C'est plus nourrissant. C'est comme plein de protéines. Oui, oui. L'orge mondée. Puis tu peux mettre des pois manches tout dans. Tu peux insérer des pois manches, le nombre que tu veux. Mettons une douzaine de pois manches tout. Bon, ben écoute, c'est une belle recette que tu viens de donner. Pour 2018, moi, je suis contente. Ben, regarde, c'est parce que c'est le genre d'affaires qu'on pense pas. Et moi, je vais te lire quelque chose aussi. Quelque chose qui me fait penser au temps des fêtes. Mais ça n'a rien à voir avec tes histoires. OK. La petite fille aux allumettes. T'as-tu lu ça, toi, quand t'étais petit? Oui, j'ai lu ça. Moi, je me souviens, je pense la première fois qu'on m'a lu ça, je devais avoir 4-5 ans. Ben, voyons. Ça tellement... Je ne pouvais pas croire que ça se pouvait. Mm-hmm. Je l'ai recherché parce que je ne l'avais pas lu depuis, je pense. Ah oui? Tu sais que ça a été écrit en 1876. C'est assez vieux. Ça va comme suit. Alors, la petite fille aux allumettes. Comme il faisait froid. La neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée, pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an, voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait. Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Oui, c'est ça. Mais oui, ses petites mains étaient presque mortes de froid. Imagine-moi à 4-5 ans entendre ça. Ben, je sais. J'étais terrorisée. Je comprends. Hélas! Qu'une petite allumette leur ferait du bien. Toujours à ses petites mains, mortes de froid. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts, elle en tira une. Comme elle éclata, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de sa main. Voyons, je lis bien mal. C'était une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de sa main. Bon, c'est clair, ça, c'est du français. Super bonne, là. Il sembla à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer. Elle était contente de ça. Elle imaginait ce poêle-là. Bon. Petite étendait. J'ai commis un changement de ton. Je le sais. C'est parce que je m'énerve moi-même. Ça se peut-tu lire mal demain? Je parle mal. Bon, je vais continuer. La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer. Mais la flamme s'éteignit. Oh non. Le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à la main. Elle en frotta une seconde. Qui brûla, qui brilla. Et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fine porcelaine, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Oh. L'allumette s'éteignit. Ben voyons maudite donc, marde, toujours. Quand la marde te tient, mon Dieu, oui, quand un nuage mange à la tête, non, te dit que ça change pas, hein? Ça durcit autour de toi. L'allumette s'éteignit. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. C'est de même. En voilà une troisième allumée. Ah oui, ni une ni deux, puis allume-en. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière. À la Noël dernière, chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes et des images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. Quelle vie! La petite éleva les deux mains. L'allumette s'éteignit. Ben voyons, trois fois. Toutes les chandelles de Noël montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'était que des étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite. Ah, ben oui. Car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. » Elle frotta encore une allumette sur le mur. Mmh. Il se fit une grande lumière au bout de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Emmène-moi !» Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu y... que tu... Voyons, encore, hey, non, encore regarde, ma façon de lire. Grand-mère, s'écria la petite, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poil de fer, comme l'oie rôti, comme le bel arbre de Nile. Elle frotta promptement le reste du paquet car elle tenait à garder sa grand-mère. Et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande et si belle. Elle prit la petite fille sur son bras. Et toutes deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement. Si haut qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Ah ben non, elle est morte. Elles étaient chez Dieu, Marc. Ben oui, c'est chez ça, Dieu. Elle est morte. Ah, plus faim. Ben oui, était Jésus, puis Dieu, puis joyeux Noël. Puis Noël, puis Noël. C'est comme t'auras plus de... contente, là. Ah ouais. C'est une maudite belle gang, ça. C'est super beau. Mais dans le coin, entre les deux maisons, tu sais, au début, là, elle était assise. Oui, elle était comme pognée, affaissée. Était assise. Quand vint la froide matinée, mm-hmm. la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte. Mais oui. Morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre, assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. Elle a voulu se chauffer, dit quelqu'un. Oui. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère, dans la nouvelle année. Ben c'est ça. C'est-tu, c'est beau, c'est optimiste, c'est réjouissant. Ben moi, je ne le voyais pas comme ça. Quand j'étais petite, moi, ça m'avait tellement ben non, c'est traumatisant pour vrai. Ben oui. Je ne pouvais pas croire que ça existait. Ouais. Et Dieu sait que Ça existe. Hein. Ben oui. Mais même encore maintenant, non? Les itinérants qui meurent de froid. Ben oui, effectivement. Ben oui, ben oui. Puis pour des raisons. Surtout, on mange du gros dindon. Puis c'est ça, puis du gros cochon. Oui. C'est terrible de manger après avoir parlé de ça. Ouais, mais c'est un conte. La pitoune, ça, c'était une belle fille, pas trop grande ni trop petite. La pitoune, ça, c'était une belle fille, aura pour la pitoune. Elle joue du banjo par la patte, patte, patte, patte. Elle joue du banjo, va patte, patte, patte, patte, patte, patte. Elle joue du banjo. Oh, pitoune. Vas-y donc. Un beau jour, le garçon du voisin voyait un pitoune dans son jardin. Il lui envoya des becs avec sa main. Hourra pour la pitoune. Elle joue du banjo. Elle joue du banjo. Elle joue du banjo. Hourra pour la pitoune. Comme il la trouvait tant de son goût, sans dire un mot, il l'a pris par le cou. On va mourir. Le pauvre garçon s'est mis à crier. Une grosse guêpe venait de le piquer. Juste à une place que je peux pas vous nommer. Hourra pour la pitoune. Elle joue si bien le banjo. Elle joue du banjo. Elle joue du banjo. Hourra pour la pitoune. Comme ça s'est mis à enfler, il s'est mis à se frotter. Là, fallu mettre la gêne de côté. Hourra pour la pitoune. Elle joue du banjo. Elle joue du banjo. Elle joue du banjo. Hourra pour la pitoune. Hey, j'ai impressionné. La nuit enveloppe la ville et le mercure est en chute libre. Une fois la porte refermée, Daniel tend son manteau à Marc. Il a apporté un cadeau pour Anne. Qui dit nouvelle année, dit souvent nouveau départ, et Daniel est ce genre d'homme qui un jour a dû et su rebondir. On peut se tutoyer, hein, Daniel? Ben, si vous voulez. Est-ce que c'est correct? Ben, on peut se tutoyer, Anne? Oui, on va se tutoyer. Ben, oui. On est la veille du jour de l'an, là. On peut-tu vivre? Ben, on peut-tu laisser... Hey, l'éclair de Saint-Viateur, merci beaucoup pour tout ce que j'ai acquis. Mais là, à un moment donné, je peux-tu lâcher votre vie? L'éclair de Saint-Viateur? Oui, j'ai été élevé avec l'éclair, moi, de Saint-Viateur. Comme bien des gens. Toi, t'as été élevé par... Les Ursulines. Les Ursulines. Oui. Toi, Daniel, t'as été élevé par... Par ma mère. Ouais. Et l'école publique. Et l'école publique. Ouais. OK, t'es un petit gars de l'école publique. Ouais, ouais, ouais, ouais. De Montréal? De Montréal, oui. OK. Et tes parents se sont séparés. Toi, t'avais... 9 ans. Ah, 9 ans. Mon père est arrivé un soir, il a fait ses valises et est parti. C'est ça. Oh. Toi, t'es né début des années 60, c'est ouais, ça? Moi, je suis né en 62. OK, c'est ça. On a le même âge. Puis à 9 ans, moi aussi. Puis il a pris ses valises puis il est parti... Ouais. Sans te parler nécessairement. Sans rien. Sans rien. OK, non. D'accord. Oh boy. J'avais jamais entendu mes parents se disputer. Il n'y avait mm-hmm. jamais eu de cri chez nous, jamais rien. Là. C'était une petite famille tranquille. C'était un père aimant? Ben, c'était un père qui n'était pas tellement présent parce qu'il conduisait des autobus. Ouais. Et là, ta mère s'est remariée? Oui, avec ma homme? Mère, elle a vécu ça très difficilement parce que pour elle, c'était l'homme de sa vie. Ouais. Donc, à cette époque-là, on se mariait pour la vie. Donc, son mari s'en va, elle reste seule avec deux enfants. Et peut-être un an plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Mm-hmm. Puis comme toutes les gens qui tombent en amour, ben, quand on tombe en amour, il est beau, il est fin, il est intelligent. Mm-hmm. Il va prendre soin de nous. Et peut-être, ça a peut-être pris un an avant que ça dégénère, qu'on constate que cet homme-là est un homme violent. Mm-hmm. Puis je veux pas être misogyne quand je dis ça, mais souvent, les filles, ils disent, ah, les femmes, ah, ben je vais le changer. Oui, ben oui, donc, c'est très, très féminin. Oui, ouais. Donc elle a décidé de se marier avec pour le changer. Il va changer, il a jamais été marié, donc il se marie. Elle est revenue de voyage de noces avec un œil au beurre noir. Pardon. Oui. Puis moi, je me souviens, quand mon père est parti, une de mes grand-mères m'avait dit, c'est toi l'homme de la maison. Oh, mais on dit pas ça à un petit gars de 9 ans, parce que... Quand c'est un adulte signifiant qui dit ça, ben tu le crois. Donc, tu penses que tu es l'homme de la maison puis que tu es responsable de ce qui se passe. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y avait ces épisodes de violence-là, ben j'étais responsable et impuissant en même temps. Mm-hmm. Oui. Moi, j'en ai parlé à des gens de ma famille. Puis, tu sais, souvent dans la famille, « Ah, oh, tu sais, c'est pas vraiment de nos affaires. On va pas se mêler c'est de tout ça. » C'est terrible. Puis la police, à cette époque-là, ben la police venait. « Suis-tu correct, madame? C'est terminé? » Ah oui, parce que elle était plainte? Oui, bien, on appelait la police des fois, mais la police arrivait à cette époque-là. Aujourd'hui, ils arrêtent systématiquement. Mais ils arrêtent pas. Il y en a encore pas tout le temps. Des femmes qui se font tuer par des hommes violents, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais à l'époque, « Madame, suis-tu correct? » Oui, bon, puis s'en allait. Tu sais, c'était des affaires encore considérées comme des trucs familiaux. Là, ça ne regardait pas personne. Ouais. Et là, ma mère, ben, quelque part, même une femme qui est victime de violence, il y a de l'amour dans ces couples-là, même s'il y a de la violence. Il y a un amour qui est là quand même. Et après ça, une couple d'années plus tard, ma mère a dit, « Bon, on va faire un enfant, ça va le changer. Il n'y a pas d'enfant. Oui, » Puis moi, je me souviens un soir, ma mère est enceinte, puis je suis arrivé dans la chambre, puis j'ai vu cet homme-là à genoux sur ma mère en train de la frapper, puis elle est enceinte de son enfant. Oh, mon Dieu. Et ben ça a duré comme ça pendant des années, une dizaine d'années à peu près. Et moi, j'ai grandi avec le sentiment d'être quelqu'un de très, très inadéquat, parce que j'avais toujours la phrase qui me revenait en arrière, « T'es responsable, t'es l'homme de la maison. » Puis... un soir, j'ai décidé de confronter cet homme-là. J'avais emprunté une arme à feu, puis je voulais y faire peur. Je voulais que ça arrête. Mm-hmm. Et malheureusement, je l'ai tué. Mm-hmm. Je l'ai confronté, puis c'était pas dans ton plan? Moi, j'étais un petit garçon qui allait à l'école. Je ne m'étais jamais battu à l'école. Un petit gars tranquille, mais non, facile. Mais non, tu n'étais pas un tueur. C'est clair. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans et quelques mois, là. Puis là, toi, tu voulais juste faire peur. Moi, je voulais y faire peur. Je voulais que ça cesse. Je voulais que cette violence-là cesse. Et ben, ce qui est arrivé arriva. Donc, un coup fatal. J'ai tué cet homme. OK. Mais Daniel, toi, une fois que tu l'as tué, à quoi tu penses? Tu dis, à quoi tu penses? Moi, j'imagine, mais je veux dire, qu'est-ce qui advient de ta vie? Qu'est-ce que tu décides de faire à partir de te cacher? Moi, la première chose que j'ai pensé quand je l'ai assassiné, s'il n'est pas mort, il va tout nous tuer. Ah oui. J'avais peur de à la fois de ce que j'avais fait puis de ce qui pourrait arriver après. Mais quelque part, aujourd'hui, avec le recul, là, je peux dire que quelque part, j'étais comme... Je savais là, que je me ferais arrêter. C'était comme écrit dans le ciel. Mais peu importe les conséquences de ça, ta mère était libérée. C'est ça. Et peu toi importe, aussi, puis ta petite sœur aussi. Exactement. La paix était revenue dans la maison. Oui, c'est ça. Il n'y avait plus de cris, il n'y avait plus de danger. Ouais. Le danger était plus là. Tu vas être condamné à la prison à vie? Oui. J'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans de détention purge. Il n'y avait pas de... Comment on t'a défendu? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, est-ce qu'ils ont pris ça en considération, le fait que tu étais un enfant de... Non, je me souviens très bien que le juge avait dit... Oui, j'avais un bon avocat, mais je me souviens qu'on avait essayé d'invoquer ça, le fait que ma mère était victime de violence. Et je me souviens que le juge avait dit, on ne fait pas le procès de la victime, on fait le procès de l'accusé. OK. Fait que t'es allé en prison. À quelle prison t'étais? Moi, j'ai débuté à l'établissement Archambault, Sainte-Anne-des-Plaines. Okay. Je suis arrivé là en octobre, quelques mois après l'émeute, là, une émeute qui a été très sanglante dans cette prison-là. Les gardiens de prison ont été tués. Hey, ça, c'est... C'était une prison où il y avait des meurtres. Là. À tous les trois mois, il y avait quelqu'un qui se faisait tuer. Donc, moi, je connaissais rien. Là. J'avais jamais... T'as 18 ans? 18 ans. J'avais jamais commis de crime. J'avais jamais frayé dans ce milieu-là. Non, donc, il faut que tu apprennes rapidement, là, parce que, tu sais... Aussi, ben, à défendre, à survivre, à te protéger, à connaître les limites où il ne faut pas que tu ailles. Moi, j'ai vu un gars se faire tuer parce qu'il devait deux paquets de cigarettes. Là, ça fait Puis à l'époque, un paquet de cigarettes coûtait 65 cents là, au pénitencier. Là. Donc, tu dis, la vie ne tient pas à grand-chose ici. Là. Il faut se protéger. Là, Comment il s'est fait tuer parce qu'il avait deux paquets de cigarettes? Il ne voulait pas en partager. Il devait deux paquets de cigarettes, puis il n'a pas payé sa dette. Donc, ils l'ont tué pour deux paquets de cigarettes. Non, c'est ça. Et là, tu rentres à 18 ans, t'en as donc pour 25 ans? Oui. Mais tu sais que tu peux être libéré à l'intérieur de 17, 18? Bien, c'est que la loi prévoit qu'après 15 ans, tu peux demander une revision, donc faire abaisser l'admissibilité à la libération conditionnelle. Mais quand tu rentres en prison, moi, je suis rentré en prison, j'avais à peine 19 ans, là. C'est quoi 25 ans quand t'en as 19? Mm. On me condamnait à plus de temps... Oui, en prison que j'avais fait. Ma vie, c'était même pas ça, 25 ans. Là. Donc, je pouvais même pas m'imaginer c'était quoi. Donc, je me voyais pas un jour sortir de ça. L'état d'esprit, c'est... Est-ce que t'es, une fois que le... Je sais pas combien de temps ça prend pour faire passer le choc de ce que t'as fait, mais est-ce que tu te... Quelque part... Ton geste est justifié jusqu'au bout. Est-ce que tu te considères pas comme un héros, mais est-ce que tu te considères comme un sauveur, même après coup, même après avoir commis quelque chose d'incroyablement, tu le dis toi-même, épouvantable, que tu voulais pas qu'il arrive? Est-ce que il y a quelque part un côté de toi qui est fier de toi? Non. Est-ce qu'il y a quelque part un côté qui fait « j'ai aidé, j'ai fait le mieux que j'ai pu, j'ai sauvé une situation » J'ai enlevé la vie à quelqu'un et j'ai pris les mauvais moyens pour aider. Okay. Oui, c'est sûr. Et ça, ça a été très rapide là, comme réflexion. Là. Ça a été très, très rapide dans ma tête comme réflexion. Là, que c'était pas... J'ai jamais essayé de justifier l'acte que j'avais commis à cause de... Mais tu sais très bien que s'il n'était pas mort ou que la police ne viendrait pas nécessairement l'arrêter pour le mettre en prison, lui, parce que c'était un homme dangereux et violent. Oui, oui. Qui menaçait ta mère et toi et ta sœur. Oui, je sais, c'est quelque chose de terrible d'enlever la vie à quelqu'un parce que c'est quelque chose qui ne se répare pas. Ben non, évidemment. Moi, j'ai tué cet homme-là le 23 juin 1982. On est à l'aube de 2018 et il n'y a pas une journée de ma vie depuis ce jour-là où je n'ai pas pensé à cet homme-là. Ben oui, j'imagine. Tous les jours, cet homme-là, moi, j'ai dit souvent que cet homme-là m'accompagne parce qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cet homme-là. Et comment tu l'es, quand tu es rentré en prison, comment tu, par exemple, comment tu l'expliquais, comment tu le verbalisais aux gens qui te demandaient pourquoi tu es ici? Tu disais, j'ai tué un homme? Oui, parce que j'ai tué l'homme qui va être ma mère. Aux yeux des autres, souvent, je me suis fait dire, t'as bien fait, c'est un écœurant, il battait ta mère. Souvent, j'entends ça, et je l'entends encore aujourd'hui, là, des gens me dire ça. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui fait que, bon, toi, dans ton cas, t'es sorti de prison, puis au lieu de devenir un criminel professionnel, parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est ce qu'ils apprennent en prison, qui n'étaient pas nécessairement des criminels quand ils sont entrés, c'était des histoires comme la tienne, bon... et qui deviennent très, très bons au contact de d'autres. Ouais. Toi, au contraire, t'as décidé de revirer la patente et d'essayer de te pardonner ça en faisant du bénévolat, en rencontrant, en aidant d'autres ex-détenus. Dans la vie, moi, je crois au destin. Je crois à ça. Et à travers tout ça, ben moi, en prison, j'ai fait un DEC en sciences humaines. Après ça, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait un bac avec une majeure en théologie. Ah oui? Et ça fait une quinzaine d'années que je fais de l'intervention. J'ai travaillé avec des gens en prison. Oui, explique-nous ce que tu fais exactement. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, quelqu'un que j'avais connu en prison, qui était également un sentencé à vie, qui me disait, « Hey, Daniel, on travaille pour un organisme qui s'appelle Option Vie. Ils nous engagent, on retourne en prison pour aller aider les gars. » Puis là, j'ai dit, « T'es-tu sérieux? » J'ai dit, « Tu penses-tu que je vais retourner volontairement à tous les jours en prison? » Non, on oublie le projet, là, regarde, ça marchera pas. Là, t'sais. Et là, il me parle des autres gars qui travaillent dans cette équipe-là, que je connais, avec qui j'ai fait de la prison. Puis moi, je suis curieux de nature, donc je me dis, bon, je vais aller voir c'est quoi. Mm-hmm. Et c'est drôle parce que moi, la première prison où j'ai été incarcéré, c'est l'établissement Archambault à Saint-Anne-des-Plaines. Et la première prison où j'ai travaillé, c'est l'établissement Archambault à Saint-Anne-des-Plaines. Oui. Et je me souviens très bien, quand je suis rentré là comme personne incarcérée, il y a une grosse porte de métal qui ferme quand tu rentres dans l'entrée. Puis ça m'a fait un frisson dans le dos. Mm-hmm. Et quand je suis retourné travailler, j'ai passé par la même porte, mm-hmm, et j'ai eu le même frisson. Mm. Ah ouais. Et là, je me suis dit, OK, Daniel, les démons, les mauvais souvenirs que tu as eus ici, faut que tu les mettes de côté parce que là, tu n'es plus en prison. Tu as une carte dans le cou qui va te permettre de ressortir ce soir à 4 heures. Tu t'en viens faire un travail. Puis je ne savais pas ce que je m'en venais faire. Et j'ai appris à faire ce travail-là sur le tas. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé la première journée où tu es rentré en prison? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Est-ce qu'on est venu te voir? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il y a eu de l'aide pour toi quand tu es rentré? Non, OK. Non, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre en entrant? C'est-tu comme genre... Un jour, tu vas sortir d'ici. OK. Un jour, tu vas sortir d'ici. C'est ça que tu dis à tes gars quand tu es... Oui, parce que... Puis en même temps, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'est sûr qu'on est... J'étais là pour accompagner des hommes, puis j'ai travaillé avec les femmes aussi, oui, dans ce cheminement-là. Mais pour eux autres, quand ils nous voyaient arriver, nous autres, ils disaient, c'est possible un jour de ressortir d'ici. Ben oui. On était de l'espoir. Ben oui, vous étiez les personnes les plus crédibles aussi. Oui, puis souvent, moi, je me souviens, pendant que j'ai fait ce travail-là, des fois, il y a des gens de libération conditionnelle qui venaient me voir, qui me disaient, écoute, il faut que tu y parles à lui ou à elle, parce que ça marche plus, là, tu sais. Puis moi, je rencontrais la personne, puis deux, trois semaines après, l'agent me disait, « Qu'est-ce que tu y as fait? » Comment ça se passait à Noël, par exemple, comme là, à ce jour-ci en prison, est-ce qu'il t'avait de la visite? Oui, c'est sûr qu'il y a des visites. Souvent, dans le temps des fêtes, il va y avoir des journées de visite communautaire où toute la famille va venir. Ce qui n'est pas le cas les autres semaines. Non, c'est ça, une personne à la fois ou deux. Oui, c'est ça. C'est quelques fois par année, les visites communautaires. Généralement, ça va se passer dans le gymnase. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ça... Le temps des fêtes en prison, c'est difficile. Parce que je me souviens, moi, la veille de Noël, ben, tu veux appeler tes proches pour leur souhaiter joyeux Noël. Mais tu sais très bien qu'eux autres sont dans une fête. Là, ils fêtent, puis là, toi, t'appelles. Puis là, OK, joyeux Noël. Hein? Puis là, tu sais très bien que quand tu vas raccrocher, ils vont dire... Ils vont parler... Ouais. Daniel, t'es en prison. T'amènes comme un petit peu de peine, un petit honneur dans les fêtes de Noël. Donc, puis... Tu sais, en prison, à Noël, ben c'est une journée comme les autres. Hein? Ils vont nous embarrer le soir, puis ça va être la même affaire. C'est sûr que les gens qui travaillent en prison vont peut-être être plus relax ces soirs-là, mm-hmm, être moins coercitif parce que eux autres aussi ont une famille puis ils sont obligés de travailler, donc ils veulent pas gérer des suicides, des batailles, donc ils vont peut-être donner un petit peu plus d'espace aux détenus là, puis c'est correct aussi. Mais là, j'ai des cadeaux. T'as des cadeaux pour nous? Ben oui. Ça, c'est formidable. C'est donc bien fin. T'es grand donc fou. Ben voyons, ben comment. J'ai entendu Anne l'année dernière. Ben voyons donc. Qui m'a dit qu'elle collectionnait les boules de Noël. J'adore les boules de Noël. Et ça, c'est des boules de Noël vintage. Non. Qui appartenaient à ma grand-mère paternelle. Ah non, non, non, mais non, là, je peux pas, ça n'a pas de sens. J'ai enveloppé moi-même. Attention, c'est très fragile. Oui, je sais, je fais le messager mais des voyons, dieux. Mais ça n'a pas de sens. Hey. Je peux pas vous voler vos boules de Noël vintage. Oui, ça me fait tellement plaisir. Oh, j'avais oui. entendu dire ça l'année passée. Mais voyons, mais ils sont tombés belles! Ah. Oh, wow! Oh, Cap, il y a encore du petit spray de neige. Oui, il y a encore du petit spray au-dessus, oui. Mais t'es donc bien fin. Mais c'est donc bien hot. C'est tellement belle. Ça a l'air d'un décor de Pierre Lapointe, en fait. De clip de Pierre Lapointe. Le connais-tu vraiment? Que de générosité, j'en viens vraiment, pas. Vraiment, c'est vraiment hot. Hey, merci, Daniel, merci. Que tous ceux qui sont dans la vibe lève le doigt. Que toutes celles qui sont dans la vibe lève le doigt. Que ceux qui sont assis se lèvent. Suive le pas. Allez, maintenant, on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, on part en reconnaissance. Serré. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, y a pas moyen. Ces soirées-là, on drague, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Ouais, ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. Ouais, c'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Jusqu'à l'aube, on les aime jusqu'à l'aube, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après le tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Hey faisait les gars, ah faisait les go dans la rente. C'est là que sur elle, je suis tombé. Elle ici, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout, tout est permis dans ces soirées-là. On drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ouais, ouais. Pour qu'on ouais. finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Mais jusqu'à l'aube, on les aime jusqu'à l'aube, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué, que mon jeans allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Là, elle est seule, je fais quoi? Je vais lui parler. Ah non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a de temps pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon je vais encore le regretter. Ah, enfin, il s'est décidé, peut-être que ce soir. Oh, t'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là. On drague, on branche, toi-même, tu sais pourquoi. Ouais, ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime toutes ces soirées-là. Mais jusqu'à l'aube, on les aime jusqu'à l'aube, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe. Lève le doigt. Que toutes celles qui sont dans la vibe. Lève le doigt. Que tout le monde met dans la main. Suive le pas. Allez maintenant, touche ensemble. En haut. En haut. En bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Allez, continue la soirée. Salut, c'est pas terminé, comment tu vas, toi? Ça va super. Joli chemisier. Je te remercie. Allez, tu viens dans la ruelle. Bah, pourquoi pas. Ah oui, fixe la lune. Elle est grosse. Elle est énorme. Elle est bien dure. Elle est pas toute déployée. Oh. Hein. Si maman me voyait. Allez, pense à ta mère, allez. Mais non, elle est pas là. Ah ben, moi j'y pense en tout cas. Tu veux que je te présente ma copine? Ah, avec plaisir qu'elle vienne nous rejoindre. Sandrine. Allez, viens, Sandrine. Je vais te présenter un copain. Allez, viens t'asseoir sur mon nez. Cochon. Ah, il est cochon. Ah, ça fait plaisir. Il est cochon. J'ai le temps des faces. Ah, c'est dégueulasse. Ça. Si Marc et Anne ne sont pas friands de résolution du nouvel an, en revanche, ils sont toujours partants pour une maxime ou un proverbe qui nourrit l'âme. Oui, il y a le... Dans le... Excuse-moi, j'ai encore... Hey, on n'arrête pas de... Mais c'est le temps. C'est juste c'est la seule période fêtes, d'année. Regarde, là, c'est l'abondance. Puis on regarde pas. Puis à un moment donné, ben. On aura 50 livres en trop, puis on mangera plus. Ça va être ça. Dans, dans le petit livre de la vie, qui est un comme. Oui. Qui sont. Il y a trois tomes, en fait, de ça. J'aime assez ça. Oui. Puis j'ai bien compris. Que... Ben oui, je sais. Alors, j'en ai sélectionné une quinzaine pour toi comme conseil de nouvelle année. Puis toi aussi, je pense. J'ai sélectionné pour toi. T'es adorable. Ouais. Fait que c'est juste des petits préceptes, des conseils pour la nouvelle année. Mm-hmm. Je vais attendre que tu finisses ta bouche. Non, hein? On y va. OK. OK. Chaque jour, Anne complimente 3 personnes. Mon Dieu. Bête de même. OK, c'est mathématique. Je passe l'eau, là. OK. Mais ça monte. Mais tu t'en fais ça? Ah, oui, donc. Dans une bagarre, frappe le premier et frappe fort. Oui, toujours mieux. De temps en temps, sors la belle argenterie. Ah oui, ça, c'est pratique. Mange des pruneaux. Fais des beaux caca. Ben oui. N'encourage jamais quelqu'un à devenir avocat. Résiste à la tentation d'acheter un bateau. Hey, ça veut tellement fucking rire. Hey, j'ai pas... C'est extraordinaire. Fais en sorte que personne ne te voit pompette. Remets toujours le siège des toilettes à la position assise. Et ça, je te le dis pour vrai, comme à tous les garçons ben que ouais, je rencontre. Ben oui, ça, c'est toujours... Vous pouvez-vous remettre la lunette là où elle était? Hey, je la remets toujours, toi, la lunette. Ben oui, parce que toi, t'es puis je suis élégant. Même... Je passe un petit... Oh oui, mais ça, bon... Pour virer fou, là, mais au moins, remettre la lunette en place. Non, on peut-tu régler ça une fois pour toutes? Moi, la petite goutte qui traîne, puis qui sèche, puis qui devient jaune foncé, sur la belle porcelaine blanche. Oui, blanche. J'ai dit la porcelaine blanche. OK. Donne-toi 1 an pour lire la Bible, de bout en bout. Fais nettoyer tes dents de terne. C'est-tu bête, ça? Hey. Fais nettoyer tes dents de terne. Hey, moi, si quelqu'un me dit ça, je donne une claque. Non, oui, c'est sûr. Bon. Amène un ami jouer au bowling. Quand tu joues avec des enfants, laisse-les gagner. Bois du lait grémé. Envoie la main aux enfants dans les autobus scolaires. Ne regarde jamais un charcutier faire de la saucisse. Pourquoi? Je sais pas. Ça porte malheur. Je sais pas. Je pense que ça doit porter malheur. Porte des souliers, des cravates et des ceintures dispendieuses, mais achète-les en solde. Le dernier, en ce qui me concerne, ne t'accroupis jamais avec des éperons au talon. Tu risques de saigner de l'arrêt. Oui. Moi aussi, ma dernière, oui. N'offre jamais de gâteau aux fruits. Ben, écoute, c'est le temps des fêtes. Mais oui, faut pas c'est en donner. Merveilleux. Aimes-tu ça, t'as du gâteau aux fruits? Non. Moi, j'ai toujours haï ça. Ah non, c'est sûr. Moi, je le cache dans la neige, puis je le redécouvre au printemps. Moi, je fais semblant d'être bien contente, puis je vais essayer de l'oublier. Ben oui, c'est sûr. Quoique des fois, mal pris. Arc! Oh, des gros fruits confits qui goûtent le gros sucre. Arc! Hop, ça m'écoeure. J'ai toujours haï ça. Oui. Hey, bonne année! Hey! C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Guy Charbonneau, Martin Boulanger et Patrick Knoop. Les musiciens Joseph Marchand, Guillaume Guilbeault, Philippe Brault et Amélie Mandeville. L'adjointe à la réalisation, Camille Parent. Un merci particulier à Sylvie Julien. Cette émission est signée Francis Legault.